demande à Fatih. Les petits ont grandi. On braque le franc, pris P38 brandy. Fuis sur un banshee. Rien que tu fais leur dit. Mais je sais que tu ventis. Je t'ai jamais senti, je suis avec l'Andy. Je fais que du dirty. Billets sont blanchis. L'équipe a franchi. L'argent de la tontine réinvesti dans Coco des Antilles. Grand loup sa grande vie. Je me crois dans un grand prix. Son liquide est rempli. Mais si elle veut paniquer, tant pis. Je prends pour toi si tu me garantis mon pensée. Mais si c'est pour pointe, je serais obligé de te balancer. Bitch, je dis pas que t'es qu'une tasse paix, mais les kilomètres que t'as mangé. Je dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore un corps retrouvé, tout au fond du canal. Gamos loué au blaze d'une poupée. On t'aimons sur Paname. Mais je crache ma pure sur ces fossiles. Je transforme la cabine en conflit. Je les laisse faire l'escalade blindée. On sait tous que c'est des pauvres types. On grippe la tête et pas les jambes. Au moins c'est ce que tu peux pas riposter. Je suis fondé sous la rue des champs. Dans le 6.3 avec danser. On essaie de faire ce qu'il a merde. La frappe en gros face qu'on ramène. Coquins sont mes frères. Y'a que les dalpins qui se ramènent. On essaie de faire ce qu'il a merde. La frappe en gros face qu'on ramène. Mais si c'est pour pointe, je serais obligé de te balancer. Bitch, je dis pas que t'es qu'une tasse paix, mais les kilomètres que t'as mangé. Je dis juste que j'aimerais pas les faire à pied. Encore un.